c'est chaud. Normal, je me baigne dans les flammes. Dans ce monde hostile, pour fabricant de drame. Une couleur, le rouge, les mecs on décolle. Pas d'amour, que du porno, pas de beauté dans ce fourneau. Aucun bon sentiment, que de la haine, c'est mon châtiment. Ma peine n'a pas de remise, la galère mais promis. Je croise des mecs comme Milosevic et Saddam, qui se font des parties de cartes. Celui qui perce fait Sodome. L'avantage de cet endroit, c'est que tu fais ce que tu veux. Donc j'attrape Hitler, je le défonce à coups de pieu. Les mecs sont tous des dingues, et la drogue circule. On se défonce à coups de flingue, juste pour tester leur cul. Résidence éternelle, pas moyen de se barrer. Aucun problème de couleur, on est tous cramés. Je vois souvent des nouveaux qui pissent dans leur froc. Il vaut mieux faire ta place, ou les boss te croquent. De toute manière, pas le choix, faudra bien s'adapter. On est là pour un bail, pas pour se marrer. Faut faire gaffe à son cul, car y'a pas que des voleurs. Les homos sont nombreux dans cet endroit chaleureux. Donc je longe les murs et fais confiance à personne. Et une voix me torture et dans ma tête ça résonne. Résidence Lucifer, c'est hot. Elle s'entoure dans les flammes, le diable m'a charmé. J'entre dans son armée, il m'a ouvert ses portes. Hot. Aucun moyen pour que je m'en sorte. Cette voix me rend dingue et m'obsède. Je crois que je perds la raison, mais faut pas que je cède. Les souvenirs s'estompent, je deviens comme les autres. Plus aucune sensation, je cède à la tentation. Celle de faire du mal, de répandre le chaos. Les gens qui vivent là-haut me dégoûtent, c'est normal. Mes nouveaux amis me parlent pédophilie. Meurtre en série, viol et encore j'en oublie. Je me retrouve en affaire avec Jack les ventreurs. Je vous échange de l'alcool contre les femmes du secteur. Un problème du sexe avec les sœurs damnées. Elles peuvent pas s'empêcher de te mordre la trachée. J'ai la gorge arrachée mais je peux encore rapper. Le seul album qui tourne c'est FBK. Je me tape un concert devant une foule déjantée. Je veux voir des lames en l'air et trancher vos frères. Je serai bientôt sur terre, la petite voix me l'a dit. Envahir cette planète, la sortir de l'ennui. En attendant je m'occupe, je prends mon mal en patience. Je m'absorbe de trois stupes. Je me retrouve en transe. Je crois pas en cette voix, elle veut juste ma démence. Car le diable ici bas n'accorde pas sa clémence. Résidence Lucifer, c'est hot. Elle est sans retour dans les flammes, le diable m'a charmé. J'entre dans son armée, il m'a ouvert ses portes. C'est hot, aucun moyen pour que je m'en sors. Résidence Lucifer, c'est hot. Elle est sans retour dans les flammes, le diable m'a charmé. J'entre dans son armée, il m'a ouvert ses portes. C'est hot, aucun moyen pour que je m'en sors. Tellement sortir, je ne cherche qu'à m'enfuir. Je n'entends que cette voix qui me dit je te vois. Je voudrais disparaître mais j'y arrive même pas. Revoir mes proches, je serrer dans mes bras. Personne ne mérite de souffrir comme cela. J'étrange des gens qui ne meurent même pas. J'erre sans but, recherchant le néant. J'espère le coup de grâce sans y croire vraiment. Souffrance éternelle, aucune échappatoire. Alors je m'arrache les yeux pour ne plus rien voir. Et j'essaye de rêver mais le songe n'est plus. Cette fois c'est clair, je crois que tout est perdu. Résidence Lucifer, c'est hot. Allez, sors toujours dans mes flammes, mec, je t'ai charmé. Entre dans mon armée, je t'ai ouvert mes portes, c'est hot. Aucun moyen pour que t'en sortes. Résidence Lucifer, c'est hot. Allez, sors toujours dans mes flammes, mec, je t'ai charmé. Entre dans mon armée, je t'ai ouvert mes portes, c'est hot. Aucun moyen pour que t'en sortes.